Ici Yvan Ponton. Vous avez un problème? N'oubliez pas, ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast devant public! Nous sommes de retour, les amis! Après un mois d'absence, plus d'un mois d'absence... Bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de notre premier invité, François Lapierre-Messier. Bonsoir. Alias Frank the Tank. Je suis quand même fier de toi, tu connais mon nom complet. Oui. C'est déjà quelque chose en soi, je pense. Et je te Google à chaque soir. Non. Tu dois être déçu. Alors, notre invité, François, ainsi que Martin Boily. Salut François, salut Frédéric. Salut bonsoir. Martin. Et Mathieu Bouillon. Salut les hommes. Wouh! Ça va bien, les hommes? Oui. Yeah! Alors, il y a Vision Montréal qui a ouvert pour nous autres aujourd'hui. Ouais. Donc, ouais. Ils ont fait la première partie. C'était bien. Ça, Vision Montréal, c'est la possibilité de parrainer un Montréalais, c'est-tu ça? c'est le traitement des yeux au laser pour les Montréalais. Vision Montréal. Ben oui, c'est bon. Voilà. On n'était pas sérieux, on disait ça pour niaiser, là. Ils se lèvent puis ils s'en vont. Ben oui. Ils s'en vont. Mais non! Alors, pour nos amis qui s'en vont... Qu'est-ce que pas de problème, Mathieu? Pas de problème, c'est la balado-diffusion la plus hot au Québec présentement. Voilà, on prend des problèmes et on y répond de façon soit documentée, soit farfelue. Alors, bien voilà, ça résume bien l'histoire. Ouais! Merci, Mathieu. Je vous rappelle qu'on est en train d'enregistrer. Alors, pas de problème, et dans sa nouvelle formule... Salut, là! Ciao! Bye-bye! Hey, Vision Montréal, ça, c'est un club de tir à l'arc vraiment bruyant. Moi, j'ai pas parlé pendant que Louise a parlé, hein? Alors, la nouvelle formule, pas de problème, toujours devant public, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, au bar Les Passages. Ouais! On salue. Pas de problème, est disponible sur iTunes Store et baladoquebec.ca. Donc, toujours un plaisir de vous savoir avec nous. Et aujourd'hui, notre problème, quel est-il, Monsieur Boily? Oui, alors, on a un problème qui nous vient de Maxime Dupuis et qui va comme suit. Bonjour les meilleurs podophileux de la podosphère. Question simple pour vous. Comment choisir son métier d'avenir dans le domaine de l'informatique ou tout autre domaine? Oui, entre parenthèses. Mmh. Et c'est pour ça qu'on t'a un peu invité, un peu, totalement invité, moi, François. Moi, c'est quoi? J'étais le plan B, C, D? Non, t'étais le plan B, B. Ah, mais, pas non, t'es A, A. Donc... Notre plan A, c'était Steve Jobs, c'est ça? Oui, c'est exactement un ça. Entre voilà. Là-dessus. Je savais pas qu'on avait commandé un 5 à 7. Alors, non, c'est ça, pour ça qu'on t'a invité, parce que toi, pour l'instant, tu travailles chez Ubisoft? Warner Brothers Games. Warner Brothers Games? Warner Brothers Games, Montréal. OK, parfait. Mais t'as un passé dans et un futur, j'imagine. J'ose espérer. Dans les métiers d'avenir. Oui. Entre guillemets. Entre guillemets. Oui. Premier conseil. Oui. Bien important. Ouais. Si il y a beaucoup de gens qui te décriraient comme le beau-frère qui est capable de. Oui. Lâche ça. OK. Lâche ça tout de suite. C'est-à-dire? En technologie. Oui. Il y a une quantité interminable de beaux-frères. OK. Qui vont te patenter ça si t'as un problème. que tu sais, souvent t'entends des gens dire ouais, mais j'ai appelé mon beau-frère hier, puis il m'a arrangé mon ordinateur, conseillé quoi acheter, dit que Hotmail c'était le meilleur service de courriel au monde, ou tu sais, tout plein de belles choses comme ça. M'a conseillé d'aller sur Alta La Vista parce que c'est là que ça se passait. Alta La Vista, hein, c'est, oui, c'est pire qu'Alta Vista. Ouais, je pense que je me reconnais bien dans ce que tu décris, François. Toi, je pense que je suis moi-même un beau-frère. Oui. Non, mais c'est correct d'être un beau-frère. Mais faut juste pas penser que nos talents de beau-frère de la technologie font de nous quelqu'un qui devrait se lancer là-dedans à pieds joints. Oui, non, il y a pas de problème avec ça. Ça, t'as bien crevé ma bulle au début du podcast. Oui. Je me lancerai pas là-dedans. Mais pour nous aider à trouver des bonnes solutions, messieurs, je vais essayer de débroussailler un peu. Ben, premièrement, le but du métier, hein? Donc, est-ce que le but du métier, c'est d'être un simple soldat et subvenir à ses besoins, ou être carriériste? Parce qu'il y a quand même deux niveaux de job là-dedans. Oui. Est-ce qu'ensuite de ça, est-ce qu'il veut voir son cul grossir ou ses pectoraux? Oh! Parce que devant un ordinateur, il y a plus de chances que son cul grossisse. Oui. Oui. Est-ce qu'on vise aussi un métier qui n'existe pas encore? Oh! Donc, là, moi, j'ai fait quelques recherches. J'ai consulté les 100 métiers les plus en vogue pour l'instant. Et je dois vous dire que j'ai pas été très, très impressionné, je dois vous dire, par les métiers les plus en vogue. Est-ce que les noms sont plates? Qu'est-ce que tu veux dire? Les noms des métiers? Ah oui, ben écoute, le secteur biotechnologique, les secteurs, c'est ça, secteur métallurgique, construction, agroalimentaire, blablabla. Wow. Tu sais, après ça, il y a niveau militaire, matelot... Matelot est un métier très en vogue. Soldat d'infanterie. Oh. Et il est dans les 100. Il est dans les 100 plus en vogue. Oh, wow! Ben. En vague, tu veux dire. Oui. En fait, ce matelot n'est pas le plus en vogue. En partant, je pense qu'il y a un problème. Oui. Ouais. Il y a soldat du blindé. Ça marche au bout. Ben oui, non, soldat du blé d'Inde. Mais en fait, surtout au Canada, parce qu'au nombre de fois que nos blindés brisent, c'est sûr qu'il y a de l'avenir là-dedans. Absolument. C'est pour ça qu'il est en vogue. Et ensuite, je suis allé voir dans notre merveilleux journal Le Métro, dans une chronique autrement dit par Hassan Seragi, qui a écrit 5 métiers d'avenir insoupçonnés. Je vous les offre. Oh. Ça, c'est pour nous aider à offrir de meilleures solutions par la suite, messieurs. Oui. Donc, il y a caissier-caissière. Wow! Un bon métier d'avenir. La job est en train d'être remplacée par les ordinateurs, là? Oui. OK. Ma date, il n'y a pas un métier que tu as nommé qui ne peut pas dater de la Deuxième Guerre mondiale. Attends, c'est ça. Attends, le prochain, shérif et huissier. Ben voyons donc. Shérif. Attends. Surveillante de services postaux et de messagerie. L'autre affaire là, qui est en train d'être remplacée par des robots. Là. Exactement. Le prochain, j'imagine que c'est cowboy et préposé aux écuries. Oui. Flibustier. Ferrailleur. Technologue et technicien en dessin. Oh. Et chimiste. Bravo. Bon. Donc, mais ensuite, j'ai continué mes recherches. Le top 5 des métiers étranges qui ont de l'avenir. Oh. Ah. Alors ici, on a comportementaliste pour animaux. Ben voyons donc. Ben, tu sais, il faut... Ouais, mais c'est vrai, il me semble que j'en vois de plus en plus des gens qui font de la thérapie ou de la psychologie pour les animaux. Pour les chiens. Mais il y a des gens de plus en plus riches qui ont d'argent à pitcher par les fenêtres. Éleveur d'insectes comestibles. Ben voyons donc. Ben c'est là l'avenir, hein? Manger des bébites. Mmh. Ouais, mais dire qu'il y a des endroits dans le monde où ils font ça parce que ça coûte moins cher, puis nous, on serait prêts à payer plus cher pour faire ça. Ouais. Ouais, ça pour bien, des ça filets sent... mignons de sauterelles. Parce que ça doit pas être gros, ça. Ça doit être énorme. Ça doit pas être bien gros, ça. Non, c'est pas des grosses portions. C'est pas des trop grosses portions. Cela dit, le Huffington Post nous propose aussi les 10 métiers où l'on trouve le plus de psychopathes. Donc, si... comment il s'appelle déjà notre ami qui nous envoie ça? Maxime? Maxime, oui. Donc, si Maxime est un peu psychopathe, c'est barre, ben, on peut... Y a-t-il administrateur système? Dis-moi qu'il y a administrateur système. C'est ça, ma job. Il y a PDG, avocat, média en général. Média. Vendeur, chirurgien, officier de police, journaliste, homme d'église, chef cuistot, les fonctionnaires et Frank the Tank. Ah, bon, voilà. Wow. Ce sont les métiers où il y a le plus de psychopathes. Comment? C'est oui. les métiers où il y a le plus de psychopathes, fait chefs de fond, police et hommes d'église. Wow. Dans le fond, on devrait rechercher les métiers qui gravitent autour de ceux-là. C'est probablement là où il va y avoir le plus de décès, donc il va y avoir une embauche plus fréquente. Oh. Mais il y a des psychopathes qui ne tuent pas tout le monde. Hein? C'est ça, c'est, ils disent qu'il y a 2-3 % de psychopathes dans la population. Ah. Ou les psychopathes ne tuent pas nécessairement les gens à c'est job. Non. Oui. Ou ouais. il doit en avoir qui ont du talent, puis qu'on le sait juste pas, qui tuent des gens. Oui. Mais oui. moi, je pense qu'il y a peut-être aussi une recherche à faire dans le passé. Et c'est pour ça que je vous ai sorti sur le site Topito, on a les 10 métiers d'autrefois. OK. Hein? Comme moussaillon, flibustier. Comme bourrelier, hein? Un artisan spécialisé dans la peau tannée. Oui. Mais donc, il s'est tanné, c'est pour ça qu'il a arrêté. Mais il y a tonnelier. Tonnelier? Oui, c'est wow. tonnelier d'ailleurs. J'ai déjà vu une vidéo de comment il faisait ça jadis, les tonneaux. Hey, tu devais te sentir cheap de boire un tonneau complet tellement le gars avait mis de temps pour le faire et le remplir. Ça avait aucun sens. Absolument. C'est... Mais eux autres, dans ce temps-là, ils fournissaient. Mais un de mes préférés, c'est le lardonnier. Le gars qui fait des lardons. Je pense wow. que ça vient de chercher un peu, amateur de bacon. Oui. Mais comment ça, d'autres fois? Il me semble qu'on en a encore besoin là, de ça. Mais ils font pas juste ça maintenant. Mais dans ce temps-là, c'était tellement de c'est juste ça. Il était lardonnier. Hey, ça, là, si un jour je meurs et que je vais au paradis, là, moi, je pense que je vais être lardonnier. Cela dit, pour s'inspirer, Maxime, pour aller assister aux Olympiades des métiers... Je sais pas si vous étiez là en 99, les gars, mais c'était à Montréal, les Olympiades des métiers. Ah ouais? Oui. C'est quoi qu'ils font dans une Olympiade des métiers? C'est des gens partout dans le monde qui viennent se mesurer dans travaux publics, industrie automobile, services, agriculture, alimentation ou encore nouvelles technologies. Ah. Y a-tu le gars qui tape le plus vite au clavier? Je suis bon là-dedans. Non. Mais je pense... En tout cas, pour terminer un peu nos pistes possibles, c'est d'aller voir la pyramide de Maslow, où okay. les besoins, un peu comme dans qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va s'acheter plus tard, c'est de savoir ce que tout le monde a de besoin. Tu sais, comme Warren Buffett, il investit juste dans des choses que les gens ont de besoin. Ah, OK. Tu sais, c'est-à-dire, la bouffe, on va toujours en avoir de besoin. C'est sûr. Ou des pilules. Des pilules! Les besoins essentiels, qu'on commence avec... les besoins physiologiques, là, les besoins physiques, besoins de sécurité aussi, là, notre environnement, tout ça, besoin d'appartenance et d'amour. Oh, tellement. Ouais, besoin... ça, investir dans l'amour, on n'investit jamais assez. Oh, non, c'est vrai. Le retour sur l'investissement n'est pas toujours là, par exemple. Il y a des gens qui essaient beaucoup d'investir, puis que... C'est vrai. Et besoin d'estime, puis besoin d'accomplissement de soi. Donc, messieurs, les jeux sont faits. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui propose à Maxime? Bien, s'il est capable de trouver, ça va être quoi le prochain, ce qui a été jadis le mécanicien, puis qui est maintenant, qui a été pendant un certain temps l'informaticien, il va être en affaires. Parce que c'est trouver, c'est quoi la prochaine patente que tout le monde va avoir, puis que personne ne sait comment ça fonctionne, puis que personne veut savoir comment que ça fonctionne. C'est souvent ça le secret. Si t'es capable d'être un des premiers à t'intéresser à la patente dont tout le monde se fiche et que tout le monde a besoin, en partant, il y a de l'avenir là-dedans. Mais j'imagine que c'est difficile de déjà commencer à se former pour faire un métier qui n'existe pas encore. Comme, admettons, je sais que Mathieu, toi, tu rêvais d'être mécanicien pour voitures volantes. J'ai tout investi là-dedans, Martin. Mais les formations étaient, tu me dis, approximatives. Oui, il y a juste des bohémiennes qui donnaient ces formations-là. Non, mais c'est... Fait que moi, Beaucave, je suis allé payer des millions de dollars à des bohémiennes. J'espère que t'as au moins un diplôme. Même pas, hey. J'ai un tapis. Non, mais si je peux me baser sur mes expériences passées, être rejet à l'école, ça aide. Oh, non. Non, mais dans mon temps, quand j'étais hun, si t'aimais l'informatique, là, t'étais pas cool. Aujourd'hui, il y a moyen d'être, tu sais, simili-cool, d'aimer l'informatique, là. Dans le temps, non. Fait que si tu vois, c'est quoi l'affaire qui est le plus rejet à l'école, là, puis que personne semble s'intéresser, là. Donc, en ce moment, mets de l'argent là-dedans. C'est peut-être le petit gars qui parle en binaire, là. Ouais, non, même moi, je pense pas que lui, il a de l'avenir. Là. C'est... Non. Non. Mais François, toi, t'as quand même... je t'ai entendu souvent à l'analyse des geeks mettre ton chapeau de voyant et... charger des millions de dollars à des gens qui voulaient apprendre à être mécanicien de voiture volante. Non, mais guesser allègrement, c'est quoi les tendances de l'avenir? Selon toi, y a-tu des choses qui s'en viennent... Premièrement, tu viens de me montrer ta montre du futur tout à l'heure avant le podcast. J'ai flabbergasté. En plus, elle donne l'heure. En plus, elle donne l'heure. C'est comme les téléphones intelligents qu'on se surprend maintenant qui permettent de faire des appels. Oui, oui, c'est ça. Mais y a-tu quelque chose, selon toi, qui s'en vient? La prochaine chose hot. Ben, hot. No, tu sais, le prochain iPhone, c'est quoi? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a une pièce à faire avec l'ultra connecté. T'sais, j'ai vu l'autre jour une compagnie qui fabriquait une serrure que elle parle Bluetooth avec ton téléphone. Fait que quand t'arrives proche de ta porte, t'as juste à taper sur le téléphone puis elle se débarre tout seul. Fait que là, pis si tu veux envoyer une clé à quelqu'un, tu cliques dans l'application puis tu dis telle personne, je veux qu'il envoie une clé. Puis là, tu peux décider pour combien de temps est valide. Puis l'autre personne peut ouvrir la porte de ta serrure avec son téléphone. Bon, c'est sûr, il y a tout plein de problèmes de sécurité reliés à ça parce que c'est ouvrir une serrure avec un téléphone, mais ça, c'est une autre discussion. Mais le thermostat intelligent aussi maintenant qui est capable d'apprendre quand est-ce que tu le montes puis tu le descends et de s'auto-programmer en fonction de ça. Et que tu peux aussi savoir à distance avec ton téléphone comment est-ce qu'il va, quelle température il fait chez vous puis ajuster le chauffage. Mais est-ce qu'il est vraiment intelligent? Tu sais, si ça pue, est-ce qu'il peut mettre ça plus froid pour qu'on sente moins? Je pense pas qu'il est rendu là. Je pense pas. Mais tu vois, regarde, métier de l'avenir. Programmateur d'odomètre dans un thermostat. Solide. On a trouvé un? On a trouvé un. Ça, j'aimerais ça. Faire ça, là. Devenir un thermostat, là. Moi, j'aimerais ça. Hey, tu sais, quelqu'un debout, puis là, faire... Ah non, faut baisser le chauffage. Faut baisser, ça pue. Voilà. Je serais capable de faire ça. J'ai le potentiel. Mais en même temps, si on dit qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour qu'il y ait des psychanalyses de leurs animaux, peut-être qu'un jour, ils vont être prêts à payer pour qu'il y ait des êtres humains qui achètent le thermostat. Complètement. Mais Mathieu, toi, t'as-tu les tendances à venir? Je sais que toi aussi, tu te lances là-dedans. Oui, moi, selon moi, les métiers de l'avenir, c'est roi mage. Moi, je pense que ça va revenir d'actualité. Sinon, moi, j'ai noté, il faudrait que les compagnies de jeux d'informatique ou de consoles de jeux vidéo refassent un jeu aussi le fun que Tiny Toons au Super Nintendo. Parce que moi, là, c'est, pour moi, c'est inégalé, ça. Il y a trois bières qui applaudissent dans la salle. On pourrait dire, sauf la passe de football qui est trop longue. Ah oui, c'est vrai, la maudite passe de football. Oui, ça, c'était plate. Sinon, ben quelque chose qui est un phénomène récent, mais que je pense qu'on a pour encore des millénaires à connaître, ce sont les maisons pleines de webcams cochonnes. Tu sais, les gens qui opèrent des maisons de webcams cochonnes, moi, je pense que c'est un métier d'avenir. Mais je trouve que t'as quelque chose quand même avec l'industrie de la pornographie. Évidemment. Ça, c'est... Mais c'est quoi le prochain step dans la pornographie? Coucher avec des robots. Non, les pénis USB? Ah oui? Je sais pas. Les pénis USB. Pénis USB. US pénis. US pénis. voilà. Mais moi, je peux faire du chemin sur ce que tu disais tantôt, François, que tu disais que c'est maintenant les geeks, en fait, les rejets de jadis qui sont aujourd'hui ceux qui ont de l'argent, parce que c'est eux qui sont devenus programmeurs, c'est eux qui sont devenus ingénieurs. Et puis, une chose qu'on a observée dans les marchés, c'est qu'il y a beaucoup d'objets, de films cultes qui se vendent maintenant. Là, je pense qu'ils ont ressorti dernièrement plein d'objets des films Retour vers le futur parce que ces geeks-là qui ont de l'argent maintenant sont prêts à débourser de l'argent pour ça. Donc, peut-être se partir une business d'objets de films d'aujourd'hui dans la projection qui vont devenir cultes plus tard. Oh. Fait que prendre les films qui sont aujourd'hui jugés comme vraiment mauvais, mais qui font de l'argent au box-office. Exact. Puis commencer à fabriquer des objets dérivés de ça. Exactement. Comme par exemple vendre, le fusil de Django ou... je sais pas quoi d'autre. Le fusil laser de Django. Le fusil laser de Django. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu un fusil laser de Harry Potter. Tu sais, c'était comme fait au Bangladesh. Ça n'a aucun rapport. C'était un fusil laser, puis dessus, t'as un petit Harry Potter. Ridicule. peut-être une des nombreuses boîtes à lunch qu'on trouve dans les longs-métrages de Léa Poule. Ça, je pense que ça se vendra jamais, Mathieu. Non. Mais moi, je paierais une fortune. Du steak Léolo. Oh oui! Ah oui. Juste un sticker, Léolo. Je pense qu'il y a bien du monde qui achèterait ça. Juste un sticker écrit Léolo. Rien d'autre. Aucune mise en contexte. Pas de photo de quelqu'un. Non, juste Léolo. Oui. Ouais, personne qui... qui se crosse dans le steak. Excusez-moi. Beaucoup plus, avec plus de protéines. Ah, ça n'a pas de classe. Oui. C'est magnifique. Mais d'ailleurs, quand on parle de viande, j'avais vu, il y a une couple d'années, une émission qui faisait une joke en disant qu'il y a des scientifiques qui fabriquaient du faux bœuf, puis ça s'est fait pour vrai, il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que créer de la bouffe, c'est peut-être un métier d'avenir. C'est vrai, oui. La viande synthétique. Antoine, on avait parlé dans un podcast précédent, là, de recréer de la viande en laboratoire, ce qui permettrait de faire la viande en ville directement. Wow! D'ailleurs, on salue podcast. On salue Antoine qui est en Grèce en ce moment en train de tourner LOL, c'est-à-dire soit être en chess ou frencher un gars. Oui. Mais merci de dire qu'il est en Grèce, hein? Parce oui, que, il est en Grèce en masse. En Grèce en masse. Fait que si je comprends bien, Antoine en Grèce, French des gars en Béden. C'est ça. Parfait. C'est ça. Mais hey, dis-moi, François, là, pour revenir à nos moutons, toi, tu travailles dans le domaine du jeu vidéo. Affirmatif. Hey, j'ai l'impression que là-dedans aussi, il y a beaucoup d'avenir, mais en même temps, j'ai moi l'impression des fois que ça a peut-être plafonné parce que je regarde le réalisme des jeux vidéo d'aujourd'hui. Et je me dis, ils peuvent pas être plus réels que ça. Donc, c'est quoi l'avenir pour... qu'est-ce qui nous attend pour les jeux vidéo? Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on dit ça à tous les 5 ans. Si tu regardes les jeux de v'là 5 ans, ça a pas l'air réaliste pour 2 scènes. Un million de polygones! Ah oui, je disais ça, moi, sur mon Sega CD. Là. Je disais, ça a pas de bon sens comment c'est réaliste. Mais la première fois, moi, que j'ai vu de la simulation d'eau, je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est, c'est fini. Tu sais, qu'on pourra pas aller plus loin que ça. Mais aujourd'hui, ils ont toujours pas réussi à en faire... de la vraie simulation d'eau. Ils travaillent encore là-dessus. C'est dans le domaine du jeu vidéo, puis là, ça va être le bout où je vais me faire un petit peu plate, là, mais c'est une industrie qui se redéfinit un peu en ce moment parce qu'il y a de plus en plus de petites compagnies qui sont capables de faire une fortune proportionnellement à l'argent qu'ils ont investi, là, parce qu'ils font pas les mêmes revenus que Call of Duty. Mais comme ça a coûté 10 millions de fois moins d'argent à faire leur jeu, ben c'est pas bien grave s'ils font juste 10 000 fois moins de revenus. Mais on pense à des jeux d'iPhone là, comme Draw Something ou... Oui, mais on pense aussi à des Minecraft, par exemple, qui jadis avaient coûté à peu près rien à faire, puis qui j'ai fait je sais plus combien de millions, puis que les gars sont payés le bureau le plus fromage, kitsch, mauvais goût que t'auras vu de toute ta vie. Là. On dirait que ça a été... décoré par les lavigueurs, là, c'est dégueulasse. Mais donc, il y a de plus en plus de petits, donc les gros essaient de se redéfinir au travers de tout ça. Mais effectivement, si on cherche un métier d'avenir, être capable de porter tous les chapeaux en même temps dans l'industrie du jeu, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché pour les plus petits. Parce que même si t'es pas excellent dans tout, comme sont juste 6... ils n'ont pas vraiment le budget pour engager 40 gars qui vont faire les 40 choses comme il faut. Mais s'il y en a un qui est capable d'en faire 35 à peu près, lui, il va être très, très, très recherché par ces gens-là. Ça se définit comme un ninja. C'est le terme à la mode que j'entends souvent dans l'industrie ces temps-ci. Ils cherchent des ninjas, des gens qui sont capables de faire tout. Genre Vanilla Ice. Exactement. Exactement. Ninja et il rappe en plus. Oui, il rappe en plus. Mais il connaît des tortues ninja. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si je peux offrir une piste de solution, les transports, moi je pense que premièrement, on va toujours avoir besoin de se transporter et peut-être miser sur le transport d'avenir. Ben, c'est sûr que il y a Le tube! Le tube les qui t'aspire et qui t'amène à une autre place. Oui. Excuse-moi, je pensais que c'était les glissades d'eau dont tu parlais. Mais toi, tu parles plus le tube Futurama. Oui, oui, le tube qui t'aspire et qui t'amène... quand la catapulte. Il va qui te vide les poches. Oui. Le voileau qu'on a déjà inventé ici. C'est un vélo à voile, mon gars. Ça a l'air de rien, mais un jour... Mais à votre place, j'arrêterai d'en parler tant aussi longtemps que vous n'avez pas un brevet là-dessus. Parce que moi, je pense qu'il y a une pièce à faire avec ça. Avec le voileau? Ben oui. Oh, OK. Le nom est même vainqueur. Si tu pourrais mettre un sticker Léolo là-dessus, ça rime. Le Léolo le voileau. Le voileau de Léolo. Mais sur Twitter, on en a des solutions. On en a reçu. Oui. Alex Pinault qui nous propose d'aller au cégep en informatique. Merci. Je pense qu'on peut clore le podcast. Oui. Je sais pas si les programmes sont comme ils étaient dans le temps, mais ça, j'ai essayé ça 2 fois et j'ai jamais été capable de finir. Mon frère le fait dans le temps où les écrans étaient verts et noirs. Alors, il a programmé Battleship. Voilà. Il est très bon. Il est très... Mais aujourd'hui, il est bon. Patrick Silverwolf a écrit « Pile ou face, tu droppes un produit Apple. S'il se brise, go to Microsoft. » Donc, c'est ton choix d'avenir. Tu vas chez Apple ou Microsoft. Moi, je te dirais, s'il se brise, mais qu'il fonctionne encore un peu, va chez Google. Donc, Étienne Saint-Laurent nous propose de mélanger deux inventions récentes ensemble. On va se dire un fax. Un fax, c'est un téléphone plus une dactylo. Oui, c'est vrai. Donc, lui, c'est peut-être l'inventeur du crayon avec l'heure dessus. Oui. Ou tu sais, un robot avec un four, c'est un robot culinaire? Oui. Non, faut qu'un robot fourre avec le four. Oh, Fred, voyons donc. Désolé. Pensez-vous que dans, mettons, les métiers de la ferme, ça serait encore des métiers d'avenir, ça, avec les ressources qui se font rares? Pis, mais la ferme en ville? La ferme en ville? Oui, sur les la étages. La ferme verticale? La ferme verticale, oui. Ça, c'est-à-dire des vaches qui se tiennent debout? Oui, ouais. Les vaches debout. En fait, non, des vaches qui se tiennent une par-dessus l'autre. Ah oh, oui, hey, elles sont bonnes. C'est difficile à tenir ça en équilibre. Hey. Ah, je vois que c'est des heures à montrer aux vaches à comment se tenir bien debout. Afin ils disent « je t'aime ». Oui. Ils emboîtent comme s'ils dansaient un slow ensemble. Comme ça, ils peuvent sauver deux fois plus d'espace. Oui. J'aime ça. Mais Mathieu... Toi, j'imagine que dans ton domaine, oui. La publicité, tu oui. vois quand même les tendances, les gens. Tu sais, on te parle souvent de ce que les gens aiment et vont aimer. En effet, et souvent, l'année d'après, on nous dit que c'est out. Je prends, par exemple, la folie des QR codes. Oui. Tu sais, ces codes là, qu'on photographiait sur des affaires affiches, qu'il y avait partout où on n'avait pas d'accès à Internet, qui nous demandaient d'aller sur Internet. Oui, exactement. Okay. Puis, tu sais, et même nos clients nous disaient, hey, on pourrait mettre des QR codes sur des bannières Internet. Tu sais, donc, en pensant qu'on allait photographier avec notre téléphone des bannières pour aller sur Internet. Je pense que j'avais entendu ça à l'analyse des geeks où un gars sur son toit d'édifice avait fait un code QR. Puis, Google l'avait. Pour que sur Google Maps, on le voit. OK. Et Google l'avait effacé. Mais tu sais, il avait fait super gros. C'est bien de la merde. Ça ne servait à rien. Oh. C'est là qu'on voit que Google a les priorités à bonne place parce qu'il avait aussi trouvé l'image d'un signe de Batman peinturé vraiment trop gros sur un building. Puis celui-là, ils l'ont laissé. Donc, c'est ça. Wow. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Hey, je voulais parler aussi du phénomène des hackers. C'est-tu comme ça qu'on dit? Les hackers? Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on dit. Le H est très aspiré. Oui, oui, oui. Les hackers, parce qu'eux autres, là, alors on dirait qu'ils ont passé 15-16 ans, là, ils deviennent tous millionnaires. Oui, un Mafia Boy, entre autres, Mafia célèbre Boy. Hacker, qui avait fait pas grand-chose, finalement, qui avait lancé un email bomb. Moi, je me rappelle, je m'amusais à faire ça. Ce gars-là avait un talent incroyable pour double-cliquer. Ah oui? Pour double-cliquer. Double-cliquer. Il avait double-cliqué longtemps. Il avait fait. Je pense qu'il avait la manette turbo. Oui. Mais aujourd'hui, il y a eu une grosse job après ça. Oui, c'est ça. Ils deviennent tous millionnaires, là, tu sais. Ce qui me fait dire, l'avenir appartient à ceux qui hackent tôt. Yes! Arrêtez d'encourager. Oui. Mais sur une note presque sérieuse, tu sais pourquoi les hackers, j'espère que je l'ai dit comme il oui, faut. Oui, oui, tout à fait. Réussissent souvent très bien. Pourquoi? C'est des gens qui mettent une quantité, habituellement, ben, sauf peut-être Mafia Boy, là, mais quasi infinie de temps dans un truc extrêmement spécifique et qui vont vraiment se sur-spécialiser à l'os. OK. Fait que là, ceux dont toi t'entends parler, c'est ceux qui ont fait une sur-spécialisation dans quelque chose qui servait. OK, OK. Toutes les autres dont t'entends jamais parler, c'est tous ceux qui ont fait une sur-spécialisation dans quelque chose qui a donné absolument rien. D'inutile. Mais c'est sûr que c'était le chanceux qui a choisi la sur-spécialisation qui, elle, pouvait te mener à quelque part, comme ceux qui ont récemment hacké 40 millions de dollars dans un compte en banque. Okay. Eux, ils ont choisi le bon truc à étudier. Mais là, ça paye. Mais t'as aussi des gars qui sont devenus célèbres qui avaient choisi des trucs un petit peu plus aléatoires, comme le fameux Captain Crunch. Okay. Il y a de ça plusieurs décennies. Le Captain avait... Crunch sur les boîtes de céréales. Ouais. Lui, il avait trouvé que le sifflet en plastique que tu recevais dans une boîte de Captain Crunch émettait exactement la bonne fréquence de son pour te permettre de hacker des téléphones. Ah. Fait que lui, il se promenait avec son petit sifflet Captain Crunch, puis avec ça, il était capable d'hacker les téléphones parce que c'était exactement la bonne fréquence pour entrer, pour faire basculer le téléphone dans un autre mode. Ben voyons donc. Et il s'est mérité le nom de Captain Crunch. OK. Moi je me demande combien de trucs il a essayé. Est-ce que c'était combien de petits flares random il a pris avant de trouver que c'est celui de la boîte de Captain Crunch? Est-ce qu'il cherchait le mi-brun? C'est ça que... Peut-être. Le mi-brun. Peut-être qu'il appelait des téléphonistes en cherchant le mi-brun. C'est peut-être ça son passe-temps. Je sais pas. Alors, si vous connaissez pas le mi-brun, allez chercher. Mais semble-t-il que c'est vrai, hein, le mi-brun, que même, je pense que Mathieu est capable de le faire en sifflant. Il faut m'éclairer. Qu'est-ce que l'omni... Qu'est-ce que c'est que ça? Va voir sur Internet pendant qu'on continue de parler. Je te conseille fortement de pas écouter l'extrait audio quand tu cherches le mi-brun. C'est le conseil que j'ai pour toi. Mais attends, est-ce que c'est comme un bruit qui déclenche l'anus pour faire caca? J'embarque pas là-dedans, Mathieu. Parce que si c'est ça, en v'là un métier d'avenir. Non, mais est-ce que c'est le prochain hacker? Ouais. Comment? Est-ce que c'est la prochaine sorte de hacker? Oui, le hacker anal. Non, mais un hacker du corps humain. T'sais, parce que bientôt, on va commencer à tweaker le corps quand même. Oh. On a commencé de façon... Oui. Ben, tu sais, correction laser. Oui, mais même de façon très, très low-tech. Parce que quand on y pense, un régime, oui, c'est une façon d'essayer de hacker le corps humain pour lui faire ce qu'on veut qu'il fasse et non pas ce qu'il continue de faire, c'est-à-dire prendre du poids. Ah. Se chopper la poitrine, comme Angelina l'a fait. Oui. Oh, un gag. Ça, c'est une définition plus littéraire de hacker, je pense. Non, mais en fait, ce que je veux dire, non, mais de, ben, peut-être il y a les les exosquelettes, on travaille là-dessus, mais bientôt, on va... Les implants, les lunettes Google, là, ça s'en va où, ça? Est-ce qu'on va avoir des verres de contact Google bientôt? Je pense qu'il y a un petit peu de temps avant que ça passe de lunettes à verre de contact, parce que la seule raison pour laquelle c'est une lunette, c'est pour te donner une surface sur laquelle envoyer une image, parce qu'ils sont pas capables de t'appitcher direct dans les yeux. Ouais, c'est ça, ils vont mettre l'implant après. Mais peut-être métier d'avenir, aller voir quoi, informatique médicale, là, c'est quoi le chemin entre les deux, là. L'imagerie. L'imagerie médicale. Donc, l'imagerie Le domaine médical, c'est un domaine qui, depuis très longtemps, fait énormément d'argent et va sûrement en faire encore très longtemps. Mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier. La première chose à laquelle les gens pensent quand ils pensent à un domaine d'avenir, c'est probablement pas le bon. Okay. Parce que jadis, on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait devenir avocat parce qu'il n'y en avait pas assez. Puis on voit ce que ça a donné à la société moderne, tu sais. Fait que, non. Pas avocat. S'il vous plaît. Il y en a trop déjà. Oui. Sinon, je pense au nombre d'émissions de cuisine là, qu'on voit présentement sur Internet. Puis comme tu disais tantôt, on investit beaucoup, puis les gens vont toujours se tourner vers les choses essentielles. Fait que je pense que le domaine de la cuisine, essayer d'innover en cuisine, ça va toujours être un métier d'avenir. Moi, c'est pas fou. Je pense que après la thérapie pour les chats, un show de cuisine pour les chats. Oui, un show de cuisine pour les chats. On tient de quoi, là? Ben, il y a la moitié d'Internet qui vont être contents. Ou voilà. Trois quarts, en fait. Ouais. Surtout si le chat cuisine. Oh. C'est un chat qui cuisine. Oui. Ça c'est un chat de cuisine. C'est ça. Un chat de cuisine. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. Bravo! Ou sinon, il y a Ricardo qui pourrait devenir Ricardog. Oui. Avec la bouffe pour chien. Ricardog. Ah, oh, Ricardog. Ou Ricardoc! De la bouffe de canard! Il pourrait commencer chacun de ses shows en s'ouvrant la gorge et en se forçant à manger quelque chose. Oui, c'est, mais tu fous le bon, ça. Alors, c'est l'heure de se gaver. Louis-François Marcatte. Oui! Louis-François Marmotte. La cuisine pour les marmottes. D'autres métiers d'avenir. Gardez ça en tête, les jeunes. Arrêtez ce podcast-là, je ris bien. Oui. À la distacha. Non. OK. À la tisoiseau. C'est bon, ça. Mais, messieurs, avez-vous quelques pistes encore à offrir à Maxime? Non. Va écouter ça puis va faire coudon, ils m'aident pas eux autres. Non mais oui, il est pas lui étudiant en informatique, mais nous on est là sur tous les métiers depuis tantôt. Si je peux être simili sérieux pendant une minute, oui. Pour Maxime, s'il veut s'en aller en nouvelle technologie, mon meilleur conseil c'est d'essayer de faire différentes tâches qui ont rapport à nouvelle technologie. S'il pense qu'il veut devenir programmeur, ben qu'il essaye de programmer. S'il pense qu'il veut devenir acheter des solutions techniques, ben qu'il essaye d'inventer des solutions techniques pour résoudre différents problèmes. Puis c'est éventuellement quand il va trouver un truc où il est vraiment incroyablement trop motivé puis que le monde lui dise qu'il est trop intense, ben c'est celle-là qu'il devrait faire. Puis si ça marche pas, ben qu'il devienne sage-femme puis qu'il ferme sa gueule. Ou doula, il manque des doulas. Des quoi? Des doulas. Des doulas? Ouais, c'est ça. C'est les femmes qui accompagnent après la naissance. Ah! Mais c'est ça, hein? Oui. Doula. Non? Tu dis ça? Avant? Pendant? Mais après aussi? Après aussi, quelques... Oui. Merci. Merci non. À notre public. Oui. Pas ceux qui parlent, ceux qui écoutent. Non. Donc, mais des doualés, voilà. J'ai cherché tantôt. Modification génétique. Je pense pas dans le sens de faire des cyborgs ou quoi que ce soit, mais de justement adapter les technologies à notre corps. Peut-être aller plus dans ce domaine-là. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mettons pour empêcher la calvitie ou... Là, ils ont trouvé comment enlever les cheveux gris? Oui, comment? Ça. Ben, ils cherchaient... Ça s'appelle-tu de la teinture? Non. OK. Non. C'est une canne de spray. Non, mais ils cherchaient... Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Bon, ils cherchaient quelque chose. La télécommande, ils cherchaient un remède contre le cancer, puis à la place, ils ont résolu les cheveux gris. Oui. Non, mais puis ils ont découvert que... Ben, ils ont découvert que ça s'enlevait les cheveux gris, puis j'imagine que dans quelques années, on va avoir une petite pilule qui va faire bring. Wow! T'as plus de cheveux gris, t'as des cheveux mauves! Colin! Mais t'as perdu toutes tes dents! C'est ça! Mais t'as le mi-brun dans l'oreille! Oh. Mais c'est ça la beauté de l'industrie pharmaceutique. À chaque fois qu'ils règlent un problème, ils en créent au moins un autre. Je pense que c'est ça une vraie sécurité d'emploi. Oui. Oui. Solution du public! Oui, devenir dans les médias un chaleur professionnel. Bon, un chaleur professionnel dans les médias, tu chiales tout le temps. Mais on a un surplus de chaleur. Il y en a déjà beaucoup, oui! Je pense que devenir là-dedans, tu chiales quelque chose. Tu vois qu'il y a une twist inexpectée, mais donc, t'es super raciste. Donc, animateur de Radio X ou quelque chose du genre? Ah, au plus chaleur, c'est chaleur. Il y a pas de chaleur, il y a plus de chaleur. Ok. Au plus chaleur en général. Ou chialer qu'il n'y a pas assez de chaleur. Tu pourrais chialer que les gens chialent pas assez. Voilà. Ou la météo. Ou chialer sa météo, oui. Mais c'est tout bon, ça. Des solutions préférées, messieurs? C'est dur, hein? Il y en a tellement! Ben moi, je pense... ma solution préférée, c'est qu'il devrait devenir mécanicien pour tubes. Les tubes de transportation. Oui. Moi j'ai comme peur de dire ma solution préférée parce que c'est votre idée. C'est quoi? Ben, les vélos. Les voileaux avec des collants de Léolo. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est là qu'il y a le plus d'avenir. Mais en même temps, je veux pas conseiller de faire ça parce que c'est à vous autres, ça. En fait, c'est une solution pour monter la côte Berry en Bixi. Parce que c'est un peu rocheux. Ouais. Moi, je pense que ma solution préférée, c'est faire des jeux de mots avec les noms d'animateurs de shows de cuisine. Il y a de l'avenir là-dedans. Il y a de l'avenir là-dedans. Et humoriste. Sœur Angélinotte. Tu sais, une Gélinotte. Oui, j'avais compris. Oui. Tu l'aimes-tu, ma blague, Martin? Oui, je l'adore. Yeah. Je l'adore. Tu n'as pas ma face. Éleveur de bébites, je trouve que ça. Ouais, oui, élever des insectes pour les bon manger. Un steak de sauterelle. Oui. Bonne côte levée, un bon rack de côte levée de sauterelle. Ah. Tu sais, où tu te fais 0.6 cents la livre, là. Oui. Ça va être super. Mais en même temps, ça ne coûte pas vraiment cher de bouffe, tu sais. Pour ça. Les nourrir, là, ça ne doit pas manger grand-chose à faire, là. Non. Non, faut que tu élèves des vaches. Oui, ben hey, moi, les vaches de bout aussi, ça, oui, ça oui, m'a oui, vraiment ça aussi, parlé. Ça m'a parlé beaucoup, moi. Là. Ouais. Mais si vous en avez des solutions préférées, ben vous pouvez venir nous les dire, ceux qui sont dans la salle. Mais sinon, allez sur Facebook, nous dire votre solution préférée. On vous rappelle aussi de... Ah, t'en as une? Oui. Oui. Vous avez identifié un besoin qui est de trouver une job. Oui. Et montré que ça prend aucune compétence pour conseiller le monde. Alors, conseiller le monde pour trouver une job. Conseiller... Oui. On est très compétents, c'est juste qu'on les utilise pas, nos compétences. Oui, c'est ça. C'est le gars à ton secondaire qui était conseiller en orientation, là. C'était un raté, lui aussi. Non, mais ce gars-là m'a donné le meilleur conseil de ma vie. Il m'a fait passer un test d'orientation, il a regardé les résultats avec un air un peu bafoué, puis il m'a littéralement dit « Ben, tu peux faire ce que tu veux. » Parce que t'étais bon dans tout? Parce que j'étais comme bon dans bien des affaires, puis il y avait rien qui se démarquait vraiment significativement. Fait qu'il m'a dit, ben, tu peux faire ce que tu veux. Hey, merci. Moi, il y avait un D20, puis il a checké le numéro à quoi que ça correspondait, puis finalement, c'est ça, je suis fermier. Wow. Mais de ferme verticale, fait que tu sais. Absolument. Pièce à faire, pis tout. Mais je marche sur le côté. Ouais. Donc, n'oubliez pas, hey, notre concours de t-shirt est presque fini. Je les ai mis en ligne, là, les... C'était pas en mars, cette affaire-là? Oui, non, mais... Les propositions sont terminées. Ah, oui. Là, les gens doivent voter pour le top 3 dans lequel on va choisir. Hey, c'est assez beau, ces visuels-là. Oui, hein. Vous allez sur notre site. Je vous dis tout de suite, si vous votez pour les Nachos, on l'élimine. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Oui, elle se reconnaît. Mais voilà. Donc, allez voter. La semaine prochaine, on aura la magnifique, la reine de la LNI. Wow! Sophie Caron qui sera avec nous. Et oui, on peut faire wouh. Mais hein. J'aimerais remercier Boily Boileau pour le son. Hein? Hey, ça me fait plaisir. Ainsi que notre ami Monsieur Godet Savard, le bar Les Passages pour la réception, Vision Montréal pour l'opening act, pour l'opening act aussi. Oui. BaladoQuébec.ca pour nous héberger. Ainsi que nos broadcasts avec qui on partage iTunes Store. Hein? C'est à nous, ça. Trois bières, la jasette, épée légendaire, dernier podcast, fun jouer jeu, nous autres. Trois bières, j'ai déjà dit. Rétro Nouveau, Radio Talbot. Hein? T'es là-dessus, toi? Oui. D'ailleurs, on arrive au plug, là. François, où est-ce qu'on peut t'écouter ou te voir ou t'entendre ou te lire? Pas à grand place, en fait. C'est non, mais parfait. C'est... Voilà, c'est... Si je vous ai tombé ses nerfs, vous êtes chanceux, vous n'avez pas grand-chance de retomber sur moi. Désolé. Donc, Radio Talbot, effectivement, tous les lundis, dans le sous-sol de Nini Talbot, qui est aussi un bunker, qui est aussi, je pense... Il est humide un peu, non? Plus maintenant. Non, OK. Ça fait comme trois fois qu'il leur fait, effectivement. Là, ça, c'est couvert. On lui souhaite bonne chance. Oui. Des fois, dans d'autres podcasts qui m'invitent, comme le vôtre, et qui habituellement le regrettent et ne me rappellent plus. Et aussi, sur Twitter, FT Tank pour Frank the Tank, où je tweet pas énormément, mais je réponds à peu près à tout. Puis d'habitude, c'est beaucoup de niaiseries. Fait que si vous aimez ça, rire un peu, souvent, je vais tweeter des trucs qui sortent de l'ordinaire. Mathieu, Martin. Oui. Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, si on veut vous voir? Moi, j'habite pas très loin d'ici, sur la rue Marianne. Moi, tu peux me retrouver souvent, là. Souvent, je vais au Dunkin' Donuts. Mais mettons, je veux pas une blague, là. Non, mais il y en a plus gros de ça. Fait que si tu y vas souvent, t'es facile à trouver pour vrai. J'y cherche longtemps. Non, Martin, nous jouons à la LIM. La Ligue des professions montréalaises. Il reste deux. Oui, mais au moment où ils vont écouter ce podcast-là, ouais. C'est vendredi. Okay. C'est vendredi. Donc, ouais. Venez dimanche, on joue. Et l'autre. Et l'autre d'après. Puis la finale, oui. Puis sinon, ouais. Ben, on se verra cet été au Dunkin'. Parfait. Et moi, si vous voulez me suivre, vous pouvez aller sur linstab.com, pas d'apostrophe, linstab.com. Et là-dessus, il y a maintenant un petit piton, faire un don pour pas de problème. Donc, si vous voulez nous aider à payer notre bière. Non, pas notre bière. Notre hébergement. Non, mais nos fils et nos gogos, notre gear en bon français, eh bien, allez sur PayPal, donnez-nous le montant que vous voulez et on va vous saluer par la suite. Et 25% de nos dons vont aller directement à Vision Montréal. Job d'avenir auquel tu me fais penser, parlant de fil, rouleur de fil. Rouleur de fil, ça c'est Il y a une vraie technique pour comment bien rouler un fil que je peux te montrer après le podcast si tu veux, pour qu'il ne se mêle jamais. Et je te garantis qu'il y a au moins 50% des techniciens de scène en Amérique du Nord qui n'ont aucune espèce d'idée comment rouler un fil. Fait qu'il y a de l'avenir si tu sais rouler un fil. Oui, à bas le monde sans fil. Oui. Et n'oubliez pas de nous fournir vos problèmes, hein, et stoulez-nous les problèmes des autres. Vous avez des amis qui ont des problèmes? Oui, on va faire « Oui, oui, c'est ton ami, on va penser que c'est vous. » Mais vous pouvez les stouler. Allez nous écrire ça sur « Pas de problème », la page Facebook, ou sur Twitter, ou toujours sur « Pas de problème @gmail.com ». Et en terminant, Mathieu ou... Notre invité. Ben, notre invité. Tu connais-tu notre slogan? Le slogan de la fin? Bon, as-tu déjà écouté l'émission, François? Moi, je pense que c'est Léolo. Dites pas ça. C'est nous avons. Non, c'est vous pas ça. Avez. lui, ça fait 164 podcasts. Je suis bon, hein. Je me sens moins cheap tout d'un coup, oui. Là. Vous avez un problème? Nous avons un podcast.